convaincre. Exercice 2. Comme il n'y a que 41 euros de différence, vous pourriez peut-être faire une petite exception. 41 euros, ce n'est vraiment pas beaucoup. Oui, je sais bien, mais le règlement est très strict pour ce type de paiement. En dessous de 500 euros, je ne peux pas vous le permettre. Écoutez, si vous me laissez l'acheter en 3 fois, je vous promets que demain matin, je serai là, à l'ouverture, pour vous apporter tous les justificatifs. J'ai le chéquier et les bulletins de salaire chez moi. Je suis une personne très sérieuse, je vous assure. Bien sûr, mais le problème n'est pas là. Si vous m'apportiez tous les documents demain, ça ne changerait rien. Mais je ne pense pas que la publicité mentionne cette restriction. C'est pourquoi je suis persuadée que je peux bénéficier de ce service. Ah, si, si, regardez. C'est écrit en petit, là, dans le coin, en bas et à gauche. C'est tout à fait légal, vous savez. Oh, vous devriez faire un petit effort puisque je suis nouvelle cliente. Alors, vous faites un geste commercial ? Écoutez, moi, ce que je peux vous faire, c'est une remise de 5% sur le prix de la machine à laver. Mais il faut que vous l'achetiez aujourd'hui et comptant.